Chouchou Marqué, c'est ma maman Adrien. 13 ans Chango. Moi solo na Barumbu. Mon pas la maman Brigitte et DJ Silla. Il est comme musique, hein. Liboke la nao. Omeli chouchou nana. Patrick Tengele. Mathieu Madia, mais c'est mon collabo. Papa Nadia, oh yo yo yo yo. Minoche Moudiri. Poké Angolo, oh yo yo yo. Sati et Ale, Djogo. Poké Antunio, Ale Alino. Poche Tietje, Nalemba, DJ Imeble. Poké Mbese, yo yo. Basse Tigo na Funa, Diabolos. Poti Kanga na Lela, yo yo yo. Bili Gati Kanga na Lela, oh. Maître Paul, papa n'a petit Paul. Karine Ebia. Mami m'attend, maman la Samuel. Papa n'a édité. Idembele na Funa, Gima Suana. Maître Mbinjo, maître Koba, maître Soso. Maître Nyama Nyama. Yapi, Piroje Itolo. Papa na Sephora Piroje. J'y s'est levé là, Charles Farama. Obali Ali Bakonga, ya Piroje o. De façon Doris. Et la Gauto Maneo Dina o. Joseph Le Blanchet. Ege Akato Kakasika, Ndingong, Ndingong, Yaka, Mata. Evange Ilo Fibonga Nya Papi. Chéri Befali, papa na Dorcas. Maïsi Niembo, la Gantoise, Maria Ikwala, Mongola Tetina Kapinda, Martini Bosantu. Elle est comme chez Alingaga, yo yo. Bousco Isaac. Elle est comme Mama Alingaga, yo yo yo. Papa le Guillet. Mami Nera ye bon mama, yo yo yo yo. Claude Bessongo na Bandale. Allo Kaka Mouali Mouette, yo yo yo yo yo. Paul Kabea le Mystique. Mande Sabo Touli yo. Mama na Ivana eh. Le Kintila. Dili Kimoto oh. Echali Kimoto. Fanny Male, Mama Yabada. Yaka Toka Ngasinga. Dingong, Dingong, Yaka Mata. Tatiana Ntoya. Polo Duduli, Papa na Polsine. Beau frère. Mama Siska eh. Biso Salaga, Bino Yembaga. Oh comprendre. So comprendre te Italio. Mado Spaghetti, Mondela Mamongo. Je suis le bas na Funa, papa na perfect. Salamelia, Jibé Kangela, les grands copéra, yo yo yo. Les bobos qu'on a bon. Malatalagno, maman la Gracia, Esther Popo, yo yo yo. Diego Icotele, Justin Tano, la Diama Beya, Mathieu Matuzaela, Mama Tobinza, Zalou Beni, Wenenkana, Modem Okolo ya Mayele, Mama Tobinza. Ero na bafitre. Mo wa mama o, nana me minga mo. Lo wa mama e, ye ye ye. Mo tabata mi alegyo na mayele. Se tande ki tengila. Cheyeni na bo marche. Sokota sokole la soki la nali felo. Pelando metali. Sokota sokole la soki la nali felo. Dalo mo o o. Dadu Dombo, Oya Bandra, oh oh, Soki Anali Fela, Dama Mbole Mbolobo, Seseba Kita, oh oh, Soki Anali Fela, Sege Akato Kakasinga, Ndingong, Ndingong, Yaka Mata, Chéri Ekofo, Eriki Fatika, Yayuda Nabo Marché, Dide Tupac, Aminata 13 étoiles, Cheyenne Nabo Marché, Maître Mala, Papa na Christian Kone, Chira Kams, Almoni Nambongo na ye, Yo yo, oh. Mathieu Madia Mazali, yo yo, oh. Nisoli Danga ML, Nishombi Nga, oh. Yo yo, oh. Bebe Inike, yo yo, ah. Nana ni nana, ni nana yo nana. Bolole, Belinda, le chèque du Bonadio, le dernier de l'As. Samale Konjo, Maître Tassidi, Alia Nyanga Nja Komba, Commandant Titi Tika, Service Special, Maître Sadam Mamou, Papi Meli Naramu Nanga, Cap Pacifica Juriste, Ayo Nade, Oh Yaka, Mister Nzongo, Maman La Routine. Poso. Maison la beau diesel. Amka Willy Kalemba. Kojo transfer Balco. Maria oh Maria papa Natana. Maître Pablo Yayolo. Honorable Bibo Panga, Rosa Kika Mango, José Malebe, Docteur Francis Kanyonga, Okumu Tanzami, Imalera de Bofanya, Maître Charlie Makina Nakikole, Salon de Chimot Tanziféré, c'est bon de la machine, papa la chino. Malina Mondele. Giselle, ma papa la chimène. Rosette Mamouda, 520 Chica. Gabet Kevine, la maman Régine Mouma. Y'a Saint-Pierre Bongondo. Y'a Mazo la Kikaboye. Chef Popel ou Pemana Mouende. Maman Tidengange. Yves Bombito, Gine Moulengi.